Et... Ok. Trop de pensées négatives. Si je devais t'expliquer ce que je ressens, il me faudrait plus qu'une chanson. Rappelle-toi, c'était le prélude, laisse-moi te conter l'introduction. Je me sens trahi, même 2 ans après, le discours est le même à chaque partie. J'en ai assez, j'ai assez expliqué ce qui s'était passé entre nous. Tu peux kiffer mes textes, même si dedans les mauvais côtés sur toi, je dis tout. Une envie de récidive, je crois que je n'ai pas assez souffert. L'expérience fauche le mental, donc mon âme est en fer. Je sais pas si c'est une lettre d'adieu ou de bonjour. On va encore me traiter de barge, même si c'est peut-être reparti pour un tour. Je crois que j'ai besoin d'adrénaline, donc je fausse cette PSC. Je pense pas à la suite, je passe direct de A à C. Je pense que tu t'es reconnu depuis le temps. Tu n'es qu'une infime partie de ma vie que je me rappelle souvent. J'avais dit que c'était reparti pour finir, mais je crois que c'est l'inverse. Voilà mon erreur de parcours controverse. Je sais pas pourquoi je reviens, tu me le diras peut-être. Tu sais que pendant quelques mois, tu as gâché mes jours de fête. Le jour où on se reverra, j'ai peur de ce que je vais voir. Qui vivra verra, pour l'instant, je suis dans le mi-désespoir. Trop de pensées négatives, pensées négatives. Trop de pensées négatives, trop de pensées négatives, pensées négatives. Yeah. On est face à face, je sais pas trop quoi te dire. Je voudrais que tu m'embrasses ou plus que tu respires. Je suis en 50-50, mais là j'y gagne rien. L'idée du point me tente, mais y a aussi du bien. J'avoue que je suis partagé, mais si j'écoute le peuple, je peux te dire que c'est fini, que tu calmes ton jeu. Écoute adrénaline, tu comprendras pourquoi je suis toujours là. Je me comprends pas, mais la preuve, je suis devant toi. Trop de pensées négatives, donc j'ai fait rappel, toi. Maintenant j'ai un peu de positif, je crois un peu en toi, y'a le yin et le yang, mais je crois que je fonce dans le mur. J'y repense au nouvel an, mais ma résolution jamais ne dure. J'ai bien trop de choses à dire, du coup je bafouille. Je suis pas un martyr, j'attire pas la foule. Trop de pensées négatives, donc je mets mes idées noires. Il faut que je m'active, là je suis dans le désespoir. Yeah. Je sais pas pourquoi je reviens, tu me le diras peut-être. Tu sais que pendant quelques mois t'as gâché mes jours de fête. Le jour où on se reverra, j'ai peur de ce que je vais voir. Qui vivra verra. Pour l'instant, je suis dans le mi-désespoir. Trop de pensées négatives, pensées négatives. Trop de pensées négatives. Trop de pensées négatives. Trop de pensées négatives. Trop de pensées négatives. Yeah.